l'odeur de loup dans l'air. Un piège affamé dans l'ombre. Bienvenue. Il se croyait discret, accroupi dans l'herbe. Mais le sol a parlé trop tard pour le verbe. Un claque sec comme une signature. Et son plan s'est plié en une fracture. Il avait faim d'un petit coffre bien gras. Mais c'est mon sol qui a mangé ce gars. Pas d'honneur, pas de GG. Juste un cri et l'odeur du loot qui me dit merci. Le piège à ours t'a dit bonjour. Le sol t'a giflé sans détour. Tu voulais loot, fallait d'abord réfléchir. Car mon herbe aussi sait faire souffrir. Le piège à ours c'est l'odeur du loot. Un duo discret, mais qui coûte. Tu croyais rusher mon petit spot, mais c'est ta jambe qui m'a tout donné, boy. J'fais pas de kill avec classe ou éclat. J'préfère tranchant, discret du karma. Tu veux mon stuff, faut du flair mon gars. Mais fais gaffe, ça pue la fin quand t'as pas le droit. Chaque pierre peut mordre, chaque coin ment. Mon chez-moi c'est piégé, élégamment. Et pendant que t'es là à boiter, stressé, moi j'te mate depuis le rooftop, café serré. Le piège à ours t'a fait danser. Sur une jambe t'as su prier. Mais Roost n'est pas une salle de yoga. C'est le royaume des salgas. Le piège à ours c'est l'odeur du loot. Ça sent la sueur, la rage et le doute. T'es tombé, je t'ai loté en riant. La nature parle et moi je traduis en sang. Ah, un nouveau client.